Qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain moment où en tant que parent, on n'y arrive plus, quoi? Plus globalement, dans le contexte social dans lequel est l'enfant. Parce que là, si on reprend l'exemple du psychiatre qui est là, l'enfant ne montre pas du tout d'agressivité, il est dans un environnement très sain, tous les adultes sont très bienveillants envers lui, etc. Et pourquoi à l'école, dans ce cas, ou chez lui, où on a cru voir des comportements soit agressifs, soit déviants? Peut-être qu'à un moment donné, le problème il est plus sociétal qu'il ne vient de l'enfant, en fait. Donc c'est aussi ça qui manque un petit peu dans ce film. C'est qu'on va traiter beaucoup des problématiques des individus, mais on ne prend pas forcément en compte l'environnement dans lequel il est. Parce que la plupart des enfants, même le petit qui joue à un moment donné, qui tape sur la table, etc. Effectivement, il est agressif, mais à la fin, quand il dit qu'ils ont gagné tous les deux, il fait un sourire à son copain. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu ça qui manque dans le film. Est-ce que c'est dans le film ou est-ce que c'est dans les études qui sont menées? Du coup, dans les études, parce qu'on montre les études qui sont menées, quoi. Moi, je pense que c'est pas dans le film que ça manque, parce que justement, le film, il est là pour nous montrer que certains scientifiques ne prennent pas toute cette réalité en cause. Dans ce film, pas une seule fois on entend le mot éducation, pas une seule fois on parle du contexte social. Ça reflète la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que je trouve que c'est de plus en plus difficile d'éduquer nos enfants. On est dans une société peut-être où du coup, on va pas se remettre en cause nous, et on va chercher des solutions ailleurs, dans la science, parce que on refile le bébé à quelqu'un d'autre. La science, c'est un peu rassurant.